Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Du classement des espèces animales d'après leurs caractéristiques. Il n'y a pas d'espèces simio-humaines, le singe et l'homme forment deux espèces différentes. Base du classement du règne animal, quatre grandes divisions, chaque division a ses subdivisions, nous faisons partie des vertébrés mammifères. Ils comprennent 9 genres, caractéristiques de chaque genre. Maintenant que nous savons ce qui caractérise l'espèce et ce qui caractérise la race, appliquons ces données à l'homme, au point de vue de la thèse que nous réfutons. D'après Darwin, le singe et l'homme auraient formé primitivement une même espèce, l'espèce simio-humaine. Plus tard, cette espèce se serait dédoublée, pour donner naissance à la race humaine et à la race simienne. L'homme et le singe ne représenteraient donc pas deux espèces différentes, mais bien deux races d'une même espèce. Darwin, du reste, nous a déjà suffisamment édifiés sur ses idées à cet égard. Nous appartenons à la classe des singes. Mais ce que nous avons surtout intérêt à connaître, c'est moins ce qu'ils pensent que ce qui est. Or, c'est exclusivement là une question d'anatomie comparée. Voyons donc ce que dit cette science. Elle donne à toutes ces allégations de Darwin le démenti le plus formel. Seulement, pour mieux comprendre les motifs pour lesquels le singe et l'homme forment bien réellement deux espèces distinctes, il me paraît essentiel de rappeler tout d'abord, en quelques mots, les bases sur lesquelles repose le classement des espèces animales. Ces espèces, ainsi que nous l'avons déjà dit, comprennent quatre grandes divisions, celle des vertébrés, celle des mollusques, celle des insectes et celle des orophytes. Chacune de ces divisions est formée sur un plan particulier et distinct, c'est-à-dire qui ne se laisse ramener par aucun point à celui des autres. Ainsi les vertébrés ont leur plan, les mollusques le leur, les insectes et les orophytes le leur également. Une sorte de circumvallation sépare chacun de ces divers plans, sans qu'il soit possible, je le répète, de les rattacher entre eux par aucun lien intermédiaire. Au contraire, chaque plan pris isolément forme une grande famille dont les divers membres, par les caractères communs qu'ils possèdent, offrent un certain air de parenté, mais, à côté de ces caractères communs, il est des caractères différentiels qui empêchent de les confondre et permettent de les subdiviser en genres. Prenons, comme exemple de ces subdivisions, la classe des animaux vertébrés, puisque c'est celle à laquelle nous appartenons. Ces animaux se partagent, d'après leurs organes de la circulation et de la respiration combinés, en quatre genres. Les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les poissons. Chacun de ces genres à son tour se subdivise en sous-genres, reconnaissables de même à certaines particularités d'organisation, c'est ce qu'on appelle leurs caractéristiques. Ne nous occupons que des mammifères, comme étant la section dont nous faisons partie. Les mammifères, par la combinaison des organes du toucher et de la manducation, comprennent 9 divisions, savoir l'homme ou bimane, qui a les 3 sortes de dents, molaires, canines et incisives, et le pouce opposable aux 2 extrémités antérieures seulement, les singes ou quadrumanes, qui ont les 3 sortes de dents aussi, et, de plus, le pouce opposable aux 4 extrémités, les carnassiers, qui ont encore les 3 sortes de dents, mais qui n'ont plus de pouce opposable, par conséquent plus de mains, qui n'ont que des pieds, mais des pieds dont les doigts sont encore mobiles, les rongeurs, dont les doigts diffèrent peu de ceux des carnassiers, mais qui n'ont plus que deux sortes de dents, les molaires et les incisives, les édentés, dont les doigts sont déjà moins mobiles, plus enfoncés dans de grands ongles, qui n'ont jamais que des molaires et des canines, quelquefois que des molaires ou même point de dents du tout, les marsupiaux ou animaux à bourse, petite chaîne collatérale aux trois ordres précédents, ou dont les uns répondent aux carnassiers, les autres aux rongeurs et les autres aux édentés. Les ruminants, qui forment un ordre si distinct par leurs pieds fourchus, leurs mâchoires supérieures sans vraies incisives, leurs quatre estomacs, les pachydermes, qui comprennent tous les autres quadrupèdes des sabots, enfin les cétacés, qui n'ont point du tout d'extrémité postérieure. Mais je m'arrête, ces détails se trouvant dans tous les traités élémentaires, et cependant, je le répète, j'ai cru devoir les rappeler ici, car il est essentiel de les avoir bien présents à la mémoire pour comprendre la place que l'homme doit occuper parmi les espèces animales, en tant qu'animal lui-même. L'homme animal. Comment les anciens définissaient l'homme? Une bouteille de Boileau, un correctif de Leibniz. L'homme est un vertébré, un mammifère, il n'est pas un quadruman, avantage qu'il aurait à avoir quatre mains, pourquoi on nous les attribue? Les primates, une flagornerie grossière, notre caractéristique. Commençons par être bien fixés sur ce qu'il faut entendre par l'homme animal. Les anciens définissaient l'homme un animal raisonnable. Nul doute que l'homme par sa structure corporelle soit un animal, tout au plus pourrait-on lui contester l'épithète de raisonnable, surtout quand on se trouve en face de théories semblables à celles qui nous occupent. Nous n'irons pas toutefois jusqu'à dire que ces théories l'exposent à ce qu'on lui applique cette boutade de Boileau. De tous les animaux qui s'élèvent dans l'air, qui marchent sur la terre ou nagent dans la mer, de Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, le plus haut animal, à mon avis, c'est l'homme. D'autant plus qu'on pourrait nous répondre par ce correctif de Leibniz. Le plus stupide des hommes est incomparablement plus raisonnable et plus docile que la plus spirituelle de toutes les bêtes, quoiqu'on dise quelquefois le contraire par jeu d'esprit. Remarquons seulement en passant, qu'en fait de définition philosophique de l'homme, il y en a un peu pour tous les goûts. Quant aux deux que nous venons de citer, tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a du vrai dans la première, et que tout est vrai dans la seconde. Mais revenons à notre classement anatomique de l'homme. Dans quelle section d'animal devra-t-il être rangé? Voici la place que lui assignent les naturalistes de l'école de Darwin. L'homme est un animal vertébré, mammifère, de la classe des quadrumanes et de l'ordre des primates. Examinons la valeur de chacun de ces termes qui, assure-t-on, résument le dernier mot de la science. L'homme est un vertébré. Cela est exact, car il possède la série d'os les appelés vertèbres, qui occupe la partie moyenne et postérieure de sa charpente osseuse et loge la moelle épinière. C'est là, nous le savons, un caractère commun à tous les animaux de cette division. L'homme est un mammifère. Cela est exact encore, car chaque sexe porte à la partie antérieure de la poitrine une double mamelle, qui, chez la femme, est en activité, et, chez l'homme, au repos. Je dis au repos, par égard pour Darwin, nous savons, en effet, que, d'après lui, l'homme a partagé longtemps avec la femme la douce mission d'allaiter ses petits. L'homme est un quadrumane. Voici, par exemple, où nous commençons à ne plus être d'accord. Pourquoi quatre humaines? Où donc avez-vous vu que nous ayons quatre mains? Je vous garantis que, pour mon compte, je n'en ai que deux. Si j'en avais quatre, je ferais une foule de choses auxquelles mes deux ne peuvent suffire, et je ne serais pas le seul à bénéficier de cette disposition. Voyez plutôt cette jeune fille à qui on demande d'aller au piano. Elle s'en défend, comme c'est l'usage, et ce genre d'usage date de très loin, sous prétexte qu'elle ne sait absolument rien par cœur, ou qu'elle n'a pas apporté sa musique. Ce qui ne l'empêchera pas de pianoter ensuite toute la journée à vous assourdir. Note. Tous les chanteurs, dit Horace, ont le même défaut. On est entre amis, priez-les de chanter, vous n'en tirerez rien, ne les priez pas, ils ne sauraient plus se taire. Fin de la note. Combien elle se ferait moins prier, si, gracieuse quadrumane, elle pouvait, d'emblée, exécuter à elle seule un morceau à quatre mains. Ce qui la stimulerait, c'est que ce ne serait plus seulement des félicitations qui l'attendraient, ce serait une ovation véritable. Sa mère, son heureuse mère, éprouverait elle-même cette joie secrète et ces doux tressaillements que ressentait la tonne, et le cœur de la tonne en palpite de joie. Confère Énéide 1, 505. Mais laissons de côté ces images par trop séduisantes. Nous n'avons que deux mains, sachons en prendre notre parti. Pourquoi dès lors nous en octroyer si généreusement quatre? Le motif ne se devine que trop. Il faut absolument nous faire entrer dans la grande famille des singes, et, comme notre signalement n'est pas en règle, puisqu'il nous manque une paire de mains, on ne recule pas devant une surcharge, je devrais dire un faux, pour y faciliter notre admission. Cette paire, on nous l'ajoute, ce qui nous en fait quatre. Il est vrai qu'on y met des formes, ainsi, on ne dit pas brutalement que nous occupons, dans la classe des quadrumanes, la section des bimanes, les mots quadrumanes et bimanes. J'aurais trop de se voir accouplé, on a recours à un euphémisme, on dit « L'homme fait partie de l'ordre des primates. » Les primates. Cette expression est une vraie trouvaille, elle a le grand mérite de ne signifier absolument rien, tout en ayant l'air de désigner quelque chose. Car, enfin, où voulez-vous en venir en disant que l'homme prime les singes, ses camarades? Vous espérez donc, par cette flagornerie grossière, nous faire accepter pareille mésalliance. Je sais que l'expression de primate a été acceptée par quelques naturalistes éminents, mais elle n'en est pas meilleure pour cela. Note. Céline, je crois, qui est le premier à ranger l'homme parmi les primates. Il le distingue sous le nom d'homme sage, Homo sapiens. Franchement, il a lui-même médiocrement fait preuve ici de sagesse dans cette classification. Fin de la note. Qu'on me permette à cet égard une réflexion. Quand un homme d'esprit soutient un paradoxe, ce n'est pas le paradoxe qui gagne de la valeur, c'est l'homme d'esprit qui perd de la sienne, et qui finira par la compromettre tout à fait, s'il use un peu trop de ce genre de licence. Je n'admets donc de la définition que ces seuls mots, l'homme est un animal vertébré mammifère. Sous ce rapport, il doit, comme tous les autres animaux de cette division, être classé d'après sa caractéristique. Cette caractéristique, quelle est-elle? Nous la connaissons déjà d'après ce que nous avons dit plus haut du classement des espèces animales, il est bimane. Cependant, je crois devoir y revenir de nouveau, car c'est là un point sur lequel nous ne saurions être trop fixés. L'homme animal a pour caractéristique d'être bimane. L'homme n'a que deux mains, c'est sa caractéristique, ce qu'on entend par main, quadrupède, quadrumane et bimane, un signalement ridicule, en quoi la main de l'homme diffère de celle du singe, elle représente un instrument merveilleux. Helvétius, Galien, la main du singe est un crochet de préhension. L'homme étant le seul des animaux de la création qui ait deux mains et qui n'en ait que deux, sa caractéristique, c'est donc d'être bimane. Ne sortons pas de là. C'est à l'existence de ces deux mains qu'il doit de former une espèce à part. Puisque telle est l'importance des mains, je vais indiquer d'une manière bien nette ce qu'on entend par ce mot dans le langage anatomique. Un membre qui possède un certain nombre de doigts se pliant d'une façon identique, mais dont un doigt peut être opposé aux autres doigts, et amené en contact avec chacun d'eux, ce membre est une main. Le pouce est cette partie de la main qui se plie ainsi dans toutes les directions par rapport aux autres doigts, aussi dit-on qu'il est opposant. Au contraire, un membre terminé par des doigts qui sont tous à un même niveau, et qui se plient dans un même sens, est un pied. Vainement ici vous essayeriez d'opposer le pouce aux autres doigts, sa direction restera toujours la leur. Les pieds et les mains offrent donc chacun des caractères bien nets, et ce sont ces caractères, je ne saurais trop le répéter, qui forme la base du classement de certaines espèces. Ainsi, tous les animaux qui ont des pieds et non des mains à l'extrémité de leurs quatre membres sont des quadrupèdes. Tous les animaux qui ont des mains et non des pieds à l'extrémité de leurs quatre membres sont des quadrumanes. Enfin, tous les animaux qui n'ont deux mains qu'à leurs deux membres supérieurs sont des bimanes. Pourquoi dès lors fusionner les bimanes dans l'ordre des quadrumanes? Autant, pendant que vous y êtes, les mettre dans l'ordre des quadrupèdes, ce serait tout aussi vrai et non moins original. Si un officier s'avisait d'inscrire sur la feuille de route d'un de nos jeunes engagés volontaires une mention dans le genre de celle-ci, fait partie du 4e dragon, 6e chasseur à pied, il serait à l'instant mandé par son chef, qui lui administrerait une verte semonce, pour lui apprendre à ne point formuler des signalements ridicules, puisqu'on ne peut être à la fois dragon et chasseur à pied, le premier appartenant à la cavalerie, et le second à l'infanterie. Que cet officier s'excuse de sa bévue, tout pourra s'arranger. Mais, s'il s'avisait, au contraire, de prétendre la justifier, en soutenant, par je ne sais quel raisonnement, qu'on peut être à la fois chasseur à pied et dragon, on s'empressera de le révoquer d'office. Heureux encore si, en guise d'invalide, on ne le dirige pas vers l'hospice de Charenton. Pourquoi donc ce qui serait un non-sens dans les cadres de l'armée deviendrait-il une chose rationnelle dans les cadres du darwinisme? Serait-ce qu'il y aurait deux logiques, l'une à l'usage des gens sérieux et l'autre des illuminés? Non, encore une fois, puisque le singe a quatre mains et que l'homme n'en a que deux, ils ne peuvent aucunement figurer dans la même classe. Tant que vous n'aurez pas trouvé le moyen d'ajouter à l'homme deux mains, ou d'en retrancher deux au singe, homme et singe resteront forcément dans deux classes différentes. Le plus simple raisonnement, le plus vulgaire bon sens, nous conduisent donc forcément à cette conclusion qui est le contre-pied de celle qu'a donnée Darwin. L'homme ne saurait être rangé dans la classe des quadrumanes, puisqu'il a pour caractéristique d'être bimane. Mais ce n'est pas seulement par le nombre des mains que nous différons de ces animaux, nous en différons également par la manière dont elles sont conformées, par suite des fonctions qu'elle devrait remplir. Dans une main régulière, la phalange de chaque doigt possède un ongle à surface plane, ou plutôt légèrement bombée, qui ne recouvre que la partie supérieure de cette phalange et surtout ne se recourbe jamais inférieurement. Telle est la disposition de la main de l'homme. Chez le singe, au contraire, le pouce est à peu près le seul doigt qui possède cette forme, les autres doigts se terminent par des ongles recourbés et pointus, ce sont beaucoup moins des ongles que des griffes. Ainsi la conformation des mains range l'homme dans une catégorie différente de celle du singe, c'est même par suite de cette disposition privilégiée que, chez l'homme, la main représente un instrument merveilleux qui lui permet d'exécuter les actes les plus difficiles et les plus délicats. Helvétius n'a-t-il pas été jusqu'à dire que l'homme ne doit qu'à ses mains la supériorité qu'il a sur la bête? Mais c'est à une exagération ridicule que Galien combattait déjà dans Anaxagore. Voici en effet comment, il y a bientôt 18 siècles, s'exprimait cet homme éminent qui représente, avec Hippocrate, toute la médecine antique. La nature a donné au lion ses dents et ses griffes, au taureau ses cornes, au sanglier ses longues défenses saillantes. Quant à l'homme, comme il en a reçu la sagesse en partage, la nature, au lieu d'armes, lui a donné des mains qui lui suffisent pour toute espèce d'industrie, qui lui servent à se forger des lances, des javelots, des hoches, avec lesquelles il écrit les lois du gouvernement, dresse des autels aux dieux et leur érige des statues, rassemble ses réflexions et ses observations, et les perpétue en les écrivant. Bienfait auquel la génération d'aujourd'hui doit de pouvoir s'entretenir avec Platon, Aristote, Hippocrate et les autres anciens. Mais, ajoute aussitôt Galien avec sa supériorité de vue habituelle, ce n'est pas parce que l'homme a des mains qu'il est l'animal le plus sage, comme le disait Anaxagore. C'est au contraire parce qu'il est le plus sage des animaux que la nature lui a donné des mains, comme Aristote le soutient plus justement. Ce ne sont pas les mains qui ont inventé les arts, c'est la raison se sert des mains, comme le musicien de la lyre, comme le maréchal des tenailles et comme l'orateur du larynx. Comment, après cette appréciation si belle, mais en même temps si mesurée du rôle réservé à la main de l'homme, oser parler encore de la main du singe et surtout la comparer à la nôtre? D'ailleurs, Darwin l'a déclaré en toutes lettres, la main, chez cet animal, est avant tout un crochet de préhension destiné à saisir les objets, et non à les façonner, destiné surtout à lui fournir un point d'appui quand il grimpe dans les arbres ou saute de branche en branche. Je ne puis donc qu'opposer ici Darwin à lui-même pour sa propre réfutation. Parallèle entre l'homme et le singe. Les membres, la station verticale, l'articulation de la tête, la direction de la face, la disposition des pieds, comparaison du cerveau, son volume, ses circonvolutions, l'homme de menton, il n'offre aucun caractère simien, monsieur ami, le crâne de Néandertal, Apollon et Ésope, l'homme seul a la faculté de parler, le singe est muet, Darwin en fait un professeur de langue. Nous voilà donc enfin renseignés sur la place que nous occupons parmi les espèces animales. Nous appartenons à l'ordre des bimames, ou plutôt nous représentons cet ordre à nous seuls, puisque nous sommes les seuls qui ayons deux mains et qui n'en ayons que deux. C'est là un caractère anatomique indélébile, que nous avons apporté en naissant et que je serais tenté pour cela d'appeler notre marque de fabrique. Ainsi donc, sous ce rapport, plus de confusion possible avec les singes, Mais ce n'est pas seulement par le nombre et la conformation des mains que nous différons de ces animaux, c'est aussi par le mode du fonctionnement, des membres auxquels elles sont fixées. Ces membres ont, chez l'homme, une disposition à part. Ils occupent les deux côtés de la poitrine de manière à se mouvoir dans tous les sens, et, par leur mode d'articulation avec l'épaule, il n'est pas un point de tout le corps avec lequel ils ne puissent se mettre en contact pour accomplir les ordres de l'intelligence. Chez le singe, au contraire, il n'y a réellement de mouvement possible des membres que ceux de flexion et d'extension. Vainement ils tenteraient de leur en faire exécuter d'autres. L'emboîtement des surfaces articulaires et l'agencement des liens qui les unissent y mettront obstacle. Ces membres n'étaient donc pas appelés aux mêmes usages que les nôtres, ce qui est un argument de plus contre l'assimilation des deux races. Et la station verticale? La station verticale, c'est-à-dire la faculté de nous tenir droit, est encore particulière à l'homme. C'est qu'il ne faut pas simplement y voir le résultat de l'éducation ou de l'habitude, mais la conséquence obligée de notre structure anatomique. Il nous manque en effet le ligament dorsal qui soutient, à la manière d'un bras de levier, la tête de tous les animaux destinés à marcher à quatre pattes. Notre tête doit donc se maintenir droite par son propre équilibre, précisément, elle s'articule avec la colonne vertébrale de telle manière que cet équilibre ne peut être obtenu que si nous nous tenons droit nous-mêmes. Le singe, au contraire, est pourvu de ce ligament dorsal, il est même chez lui notablement développé, ainsi que les muscles du cou destinés aux mêmes usages. Notez encore que le mode d'articulation de sa tête avec la colonne vertébrale fait que, quand il est debout, il est obligé de la rejeter en arrière, sans quoi elle ne pourrait conserver son équilibre sur le corps. Aussi du Chaillu a-t-il remarqué que le gorille, que l'on veut absolument rattacher à notre espèce, ne peut garder que très peu de temps l'attitude verticale. Autre particularité. Chez le singe, la face est disposée de telle sorte que, quand il est à quatre pattes, elle regarde naturellement en avant, tandis que chez l'homme, placé dans les mêmes conditions, elle regarde le sol, et ce n'est qu'en la relevant qu'il peut voir devant soi. Enfin, il n'est pas jusqu'à la disposition des pieds qui ne prouve que chez l'homme la station verticale soit l'attitude naturelle et, chez le singe, l'horizontale. Dans cette dernière attitude, le pied du singe repose en entier et sans effort sur sa plante, tandis que celui de l'homme porte à faux sur sa pointe, d'où résulte le tiraillement douloureux des orteils. Et le cerveau? Car, comme c'est l'organe où réside la pensée, on veut absolument qu'il n'y ait aucune différence bien sensible entre le cerveau du singe et celui de l'homme. Voyons donc ce qui en est réellement. D'abord, le cerveau de l'homme offre un volume 3 ou 4 fois supérieur à celui du singe, ce qui n'en est déjà pas une présomption en faveur d'une répartition égale chez l'un et chez l'autre des facultés intellectuelles. Mais la manière dont se comportent les circonvolutions crée une ligne de démarcation encore bien plus tranchée. On appelle circonvolution les saillies ou reliefs que forme la surface du cerveau en rapport avec la cavité du crâne. Chez le singe, les circonvolutions temporosphénoïdales, qui forment le lobe moyen du cerveau, paraissent avant les circonvolutions antérieures, qui forment le lobe frontal. Chez l'homme, au contraire, les circonvolutions frontales se montrent les premières et celles du lobe moyen ne deviennent apparentes qu'en dernier lieu. Comment admettre dès lors qu'un être organisé puisse descendre d'un autre être dont le développement est l'inverse du sien? Il y a là un tel renversement de toute logique que ces différences seules suffiraient pour prouver que l'homme ne saurait compter parmi ses ancêtres un type simien quelconque. Mais à quoi bon recourir ainsi à des démonstrations anatomiques quand il y a l'inspection directe, la confrontation? Prenons l'homme de Menton, ce vétéran de l'humanité. Il remonte aux âges où se serait opéré ce changement de l'homme en singe, par conséquent, surpris, on peut le dire, en flagrant délit de transformation, son squelette devra nous offrir des traces de cette métamorphose. Voyons donc ce qu'il en est. Les mains n'offrent rien absolument de particulier, les doigts ont la forme et la longueur des nôtres. Il y a le même nombre de phalanges. Le pouce est opposant, en un mot, c'est ce que j'appellerai la main de tout le monde. Les pieds sont bien réellement aussi des pieds, je veux dire que, dans le mode d'articulation du gros orteil, on ne trouve aucun indice de cette opposition qui fait des pieds une main et par suite de l'individu un cadre humain. L'homme primitif était donc simplement bimane comme vous et moi, puisque ses pieds n'offrent rien de commun avec ceux du singe. Quant à la tête, ce qui frappe le plus, c'est son magnifique développement, la beauté de son ovale et l'harmonie de ses proportions. Monsieur Rivière, qui en a mesuré l'angle facial, a trouvé qu'il se rapproche de 80 degrés. Voilà donc un crâne qui peut, sans désavantage, être comparé au plus parfait de la race caucasique. Ou donc y trouver quoi que ce soit qui rappelle le front déprimé, les tempes massives et le caractère bestial de celui du singe. Ainsi l'homme de Menton ne diffère en rien de l'homme de nos jours. La même remarque s'applique aux autres fossiles humains, quel que soit le centre où on les ait découverts et la date à laquelle ils remontent. C'est au point que M. Ami ne craint pas d'affirmer que leurs crânes, car ce sont surtout des crânes que l'on rencontre, l'emportent très sensiblement comme conformation sur la plupart de nos crânes modernes. Qu'il ne soit donc plus question de cette prétendue infériorité des races humaines primitives, puisque, comparé au nôtre, l'avantage resterait plutôt de leur côté. Mais ne tombons pas non plus dans l'excès contraire, en supposant qu'elles ne comptaient que des Apollon ou des Antinous. Non. Il devait y avoir, comme aujourd'hui, des infirmes et des disgraciés. Témoins, par exemple, le crâne tant cité de Néandertal, où, en effet, les sinus frontaux et les arcades sourcilières forment une saillie des plus étranges au-dessus de l'orbite. Seulement, raisonnons ici par analogie. Nous aussi nous passerons quelques jours à l'état de fossiles, et, quelques jours aussi, la géologie s'occupera de nos débris. Or, supposons que le hasard fasse qu'elle tombe sur la colonne vertébrale d'un bossu. En conclura-t-elle que notre génération tout entière n'était qu'un composé d'Ésope? Nous n'avons envisagé jusqu'ici que quelques points saillants de l'organisation physique de l'homme comparé à ce qu'on observe chez le singe. Combien le contraste serait encore plus marqué si nous faisions entrer en ligne de compte le fonctionnement de certains organes. Ainsi, l'homme possède seul la faculté de parler. Cette faculté est même tellement inhérente en lui, qu'on n'a jamais rencontré de peuplade, quelque stupide qu'on la suppose, qui n'ait possédé une langue quelconque. Le singe, au contraire, est muet, complètement muet. Et même, chose remarquable lui qui pousse si loin l'instinct d'imitation, il n'arrivera jamais à prononcer ne fût-ce qu'une syllabe. Sous ce rapport, Il est inférieur à certains oiseaux, qui apprennent à répéter non seulement des mots, mais des phrases entières. Il est même inférieur aux phoques, n'en avons-nous pas vu qui disaient « papa et maman » Note. Si certains oiseaux parlent, aucun n'a une langue. L'erreur de ceux qui ont attribué un langage aux bêtes est de ne pas distinguer les voix, les cris, les accents naturels des animaux, du langage artificiel, des signes arbitraires de l'homme. Fin de la note. Le singe ne sait pas davantage chanter, pas davantage siffler. Tout son appareil vocal et musical, qui, cependant, sous le rapport anatomique, est la copie d'une autre, semble donc frappé d'une sorte d'inertie. Pardon, j'oubliais qu'il existe des singes hurleurs. Que répond Darwin à tout cela? Darwin, il prend la thèse inverse et va même jusqu'à prétendre que c'est le singe qui a été notre professeur de langue. Citons ses propres paroles, ce n'est pas le passage le moins curieux de son livre. Quelque animal simien, dit-il, plus sage que les autres, a eu l'idée d'imiter le hurlement d'un animal féroce pour avertir ses semblables du genre de danger qui les menaçait. Il y a dans un fait de ce genre un premier pas vers la formation du langage, sa voix étant de plus en plus exercée. Les organes vocaux se sont renforcés et perfectionnés. Comment trouvez-vous l'explication? Quant à moi, la plume m'en tombe littéralement des mains, et je renonce à pousser plus loin ce parallèle. Quelques vérités à l'adresse des singes. Aucun rapprochement possible entre l'homme et le singe, une question de sentiment, Victor Hugo. Comme quoi les singes sont d'affreuses vilaines bêtes, adieu que nous leur adressons. Il résulte des détails qui précèdent qu'il n'existe entre l'homme et le singe aucun rapprochement possible, soit comme structure organique, soit comme acte fonctionnel. Et cependant, dans un parallèle à sa manière, où il a pris pour point de départ les races les plus infimes de l'humanité, et pour aboutissant les groupes les plus élevés de l'espèce simienne, Darwin a voulu établir de l'un à l'autre des gradations successives telles que les deux races n'en feraient qu'une. Mais, ainsi que l'a dit en termes si vrais Monsieur Agassiz, il lui a fallu, pour arriver à ce semblant de résultat, négliger les grandes différences fondamentales qui font que l'homme, quel que soit son degré de bassesse ou d'infériorité, est un homme, tandis que le singe, quel que soit le rang élevé qu'il occupe en tant que singe, n'est qu'un singe. Voilà donc la question de science complètement jugée, reste maintenant la question de sentiment, sur celle-là, chacun doit être libre. Si vous avez tant à cœur de tenir du singe, tenez-en. Si même il vous plaît d'être singe tout à fait, soyez-le. Qu'il soit bien compris, toutefois, qu'en optant ainsi pour la nationalité simienne, vous n'engagez que vous seul. Il s'en faut du reste que, même parmi vos amis les plus excentriques, tout le monde soit de votre opinion. Écoutez plutôt Victor Hugo, dans sa Légende des siècles, et lorsqu'un grave anglais, correct, bien mis, beau linge, dit « Dieu t'avait fait homme, et moi je te fais singe », rends-toi digne à présent d'une telle faveur. Cette promotion me rend un peu rêveur. Note. Linge pour rimer avec singe. Dans mon jeune temps, cela s'appelait une cheville, mais essayez donc d'appliquer cette épithète au divin Olympia. Fin de la note. Ce n'est pas rêveur qu'elle me rend, moi, c'est furieux, tant il me répugne de me voir associé à ces affreuses vilaines bêtes. Oui, ces affreuses vilaines bêtes, je répète la phrase, et en l'accentuant plus fortement encore. C'est que, Maintenant que je sais que les singes ne nous sont rien, je n'ai plus de ménagement à garder à leur endroit, et il y a trop longtemps que je me fais violence pour tarder davantage à leur dire carrément leur vérité. Ce sont certainement les animaux les plus laids, les plus sales, les plus cyniques, les plus dégoûtants de la création, ils ne méritent même pas d'être appelés la caricature de l'homme. De tout leur corps s'échappe une odeur et un essaim de vermine. Qu'on soit donc à propos de cette vermine, on ait voulu y trouver motif pour vanter leur tendresse à l'égard de leurs enfants. Mais ces parasites qu'ils épluchent avec leurs dents et leurs ongles, qu'en font-ils? Les malheureux, ils les mangent. Ce n'est donc pas chez eux une affaire de cœur, mais bien de gloutonnerie. On veut aussi qu'ils marchent absolument comme nous. Regardez-les plutôt. Leur allure lourde et déhanchée n'indique-t-elle pas que ce sont de simples grimpeurs? Leur allure lourde et déhanchée n'indique-t-elle pas que ce sont de simples grimpeurs? Il n'est pas jusqu'à leur attitude droite qu'on ait voulu comparer à la nôtre, mais, quand ils se dressent sur leurs pattes de derrière, ils ressemblent tout bonnement à un ours qui fait le beau. Enfin, pourquoi prétendre que ce sont les seuls, dans toute la série animale, qui nous dispute le noble privilège d'élever vers le ciel l'os sublime dont parle le poète, et les poules, confère au Essomni sublime et d'Édite, Ovide, Métamorphose 1, 85. Qu'il ne soit donc plus question de ces repoussants quadrumanes, et ne nous occupons désormais que de l'homme. C'est ainsi qu'en partant je leur fais mes adieux. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.